Pendant quelques milliards d'années, la vie sur Terre s'est contentée de sa forme bactérienne. Mais un jour, alors que les conditions de la planète étaient en train de changer, un événement s'est produit. Deux organismes ont fini par se marier pour s'adapter. Une alliance décisive pour la suite de la vie qui s'est alors complexifiée. Complexifiée au point de notamment nous engendrer. Le plus étrange dans tout ça, c'est que le contrat de mariage tient toujours. Mitochondrie, l'étranger dans la maison.